En Corée, la compétition de bowling pour le prix du 25 février s'est déroulée les 21 et 22 courants au bowling de Pyongyang à l'occasion du jour d'inspection effectué par le président Kim Il-sung après sa construction. Y ont participé les amateurs de tout le pays. La compétition s'est déroulée en éliminatoire par épreuves individuelles messieurs et dames, par deux et par équipe respectivement constituées de trois hommes et d'une dame. À la cérémonie de clôture tenue le 22, les meilleurs joueurs ont reçu médailles et primes.